Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Le pont se trouvant sur la rivière Muha au niveau de la route Bujumbura-Lumonge est menacé d'écroulement sur tous ses côtés. On fera le point dans ce journal. Et puis le maire de la ville de Bujumbura a donné la latitude aux autorités à la base en mairie de Bujumbura de fermer tout débit de boisson au restaurant ne respectant pas les règles d'hygiène. Dans ce journal également, alors que des moyens de prévention existent pour contrer la transmission du VIH-Sida au sein d'un couple à statut sérologique différent, certaines travailleuses de sexe de la ville de Lumonge ont pris la décision de se déplacer avec des préservatifs sur elles. Et dans la chronique judiciaire, nous parlerons de l'obligation d'assistance par un avocat en faveur de certaines catégories de prévenus. Voilà pour le sommaire de ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. De mauvaises conditions d'hygiène s'observent dans des petits restaurants et débits de boissons éparpillés dans différents coins de la capitale. Cela a été dit ce mercredi par le médecin provincial de la mairie de Bujumbura, Akinda Vicléophile. C'était lors de la réunion du maire avec les représentants des confessions religieuses et les autorités administratives en mairie de Bujumbura. Le maire de la ville de Bujumbura a profité de cette occasion pour donner la latitude aux autorités à la base de fermer tout bistrot ou restaurant ne remplissant pas les conditions d'hygiène. Les détails avec Évariste Nzikobanyang. Rappelant les règles d'hygiène aux résidents de Bujumbura, la capitale, ce qui pourrait aider dans la lutte contre certaines maladies comme l'épidémie de choléra, le médecin provincial à mairie de Bujumbura trouve que plusieurs bistrots et restaurants ne remplissaient pas les conditions d'hygiène. Docteur Cléophile Akindavzi lance un cri d'alarme. Là où nous vivons, il est évident que les familles sont préoccupées par le manque criant des latrines. Étiez-vous au courant qu'ici en mairie de Bujumbura, il y a des familles qui n'ont pas de lieu d'aisance. Il faut que les chefs des zones aident à sensibiliser. Il est à noter qu'une famille sans latrine, il faut les couper d'amende et l'intimer l'ordre à le construire. À Kinama, on a évacué 9 personnes victimes de l'épidémie de choléra, les enfants y compris. Arrivés sur les lieux, on a constaté que dans cette parcelle vivaient près de 80 personnes avec une seule latrine. Vous entendez que c'est une casse-tête. En complétant son chef hiérarchique, le responsable des techniciens de promotion de la santé à mairie de Bujumbura trouve que l'agrément de ces restaurants et bistrots ne se conforme pas à la loi. Je ne sais pas l'origine du sous-couvert zonal dans cette histoire. C'est ça qui pousse les gens à ouvrir des restaurants et bistrots comme ils veulent, arguant qu'ils paient des taxes. Quand tu approches le propriétaire, il te dit qu'il paie des taxes et impôts. Il te demande de qui situé. Ces bistrots et restaurants ne remplissant pas les conditions d'hygiène continuent à fonctionner au vu de tout le monde et les autorités ne prennent pas de sanctions. Théodore Niyongabo s'appuie sur le rapport des lieux qu'il fallait fermer, mais en vain. Au sein de la commune urbaine d'Omuha, on avait inventorié 91 maisons à fermer. En commune Mukaza, 127 et en commune urbaine de Nahangwa, une affaire de 141. Au total, 619 restaurants et bistrots à fermer. Vous nous demanderez combien on a fermé. Nulle part, les autorités ne nous ont aidés en rien. Le maire de la ville de Bujumbura, Freddy Monima, après avoir entendu ses doléances, demande à ses subalternes à prendre des mesures qui s'imposent et dans l'immédiat. Les consignes du Conseil national de sécurité sont claires et on doit les mettre en application. Quittons ici pour aller les appliquer. Les administratifs, en collaboration avec le médecin provincial, allaient identifier ces bistrots et restaurants qui ne remplissent pas les conditions d'hygiène pour qu'ils soient fermés. Dites à ces propriétaires qu'ils pourront rouvrir après avoir corrigé ces irrégularités. Le médecin provincial, Améry de Bujumbura, demande à la régie des eaux d'alimenter en eau potable le lieu qui en manque cruellement, ce qui pourrait aider dans la promotion des règles d'hygiène, a-t-elle ajouté. Merci Évariste. 75 petits-enfants composés en majorité par ceux qui ont déserté l'école sont encadrés par l'Observatoire INESA des droits des enfants au Burundi. L'objectif, selon le représentant de cette association, Angozi, étant de rester à côté d'eux, quitte à les faire réintégrer l'école l'an prochain, comme l'OIDEB l'a fait pour plus de 90 enfants l'année scolaire précédente. Apollinaire Moussakara. Bon nombre de ces filles et garçons ont déserté les trois premiers degrés de l'école fondamentale. D'autres ont l'âge de fréquenter l'école, mais n'ont pas eu cette chance. Dans les enceintes de l'OIDEB Ngozi, ces enfants suivent l'alphabétisation, chacun à son degré. Cela a envie de les préparer à réintégrer l'école l'année prochaine. En plus de l'alphabétisation, ils suivent un encadrement social et sportif. Des services de l'écoute ont été mis sur pied afin de connaître les problèmes de chaque après la réintégration de l'école. L'Observatoire INESA des droits de l'enfant assure tout le nécessaire à ses enfants, uniformes, frais scolaires et autres, sans oublier leurs soins médicaux. Selon Félix Sinda Igaya, représentant provincial de l'OIDEB, 99 jeunes filles et garçons de cette catégorie ont repris le chemin de l'école l'année passée grâce à cette association de défense des droits de l'enfant. Le relâchement du suivi quotidien de ces enfants par leurs parents serait l'une des principales causes de cette désertion, comme l'a souligné dernièrement le directeur de province de l'enseignement, Désiré Nito Onde, demande plus d'efforts aux parents et à l'administration locale en ce qui est de la sensibilisation pour que ces enfants reprennent le chemin de l'école. Environ 6300 élèves ont déserté l'école l'année scolaire passée en province Ngozi, un effectif qui reste élevé selon cette autorité, d'où cet appel. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Merci Apollinaire. Et l'enlèvement de la seule plante malade est une nouvelle approche en expérimentation à Moyinga contre le flétrissement bactérien du bananier. Différents intervenants dans le domaine agricole en atelier de validation de cette approche ce mercredi à Moyinga ont plutôt proposé que des recherches continuent quant à l'efficacité d'une telle approche en attendant sa vulgarisation dans le pays. Correspondance de Dieudonné Nzeïmane. Identifié aujourd'hui dans une soixantaine de communes du pays, le flétrissement bactérien dit bananier reste une menace grave pour le cultivateur burundais. Le dessouchage du seul plant atteint est une nouvelle approche expérimentée depuis une année dans des communes de la province Muyinga et très appréciée par les cultivateurs. Ces derniers jours, on nous a enseigné une technique de lutte contre les maladies du bananier en s'attaquant au seul plant atteint. On dessouche juste la tige attaque. De par le passé, quand un plat de bananier était attaqué par la maladie, on nous obligeait de tout dessoucher. Cette pratique a appauvri plusieurs de mes voisins et beaucoup affichaient une réticence par rapport à cette pratique. Mercredi, les cadres du ministère en charge de l'agriculture et différents intervenants à la matière se sont réunis à Muyinga en atelier de validation de cette nouvelle approche. Après Malgré des craintes exprimées par différents experts, Diomède Ndahiragije, assistant du ministre en charge de l'agriculture, a annoncé qu'il s'est peaufiné en attendant d'harmoniser les approches. On va continuer à la raffiner parce que effectivement, c'est une approche qui a suscité beaucoup de questions, sont liées à la recherche, sont liées à la vulgarisation. C'est une approche effectivement très importante qu'on s'est convenu dans ces réunions. Nous allons continuer à tester, non seulement ici dans la province de Muyinga, mais aussi dans d'autres provinces. Cette approche développée en Muyinga par l'organisation CRS a déjà porté ses fruits en Ouganda, en notre pays, de l'Eyasi, de Muyinga, de Dieudonné Nzeyimana pour la radio Isanganiro. Et restons dans ce domaine de l'agriculture. Environ 8 hectares de palmiers à huile se sont déjà séchés suite à la déviation de la rivière Dama qui a envahi ses palmeraies. Les palmiculteurs demandent que cette rivière soit ramenée dans son lit initial. Au niveau de l'office de l'huile de palme, l'on indique que cela exige la mobilisation de plusieurs partenaires. Jean-Pierre Missago pour plus de détails. Après plus d'une année que les palmeraies sont envahies par les eaux de la Dama, déviées de son lit initial dans sa zone d'embouchure, ces palmiers s'assèchent. Festus Chiza, alias Kigazi, représentant l'association pour la promotion des palmiculteurs du Burundi, dit que c'est une grande perte pour ceux qui vivaient de cette culture et même celle du riz, et demande que cette rivière soit ramenée dans son lit initial avant que d'autres palmeraies ne soient atteintes. Ingénieur Augustin Kabaragasa, directeur général de l'Office de l'huile de palme, place le déboisement des collines du bassin versant de la Dama, le non-respect des rives par les cultivateurs et les miniers à l'actif de cette déviation. Même si le palmier a besoin d'une quantité importante d'eau pour sa croissance, ingénieur Augustin Kabaragasa explique que l'excès d'eau finit par tuer le palmier. Lorsqu'il y a encore plus la déviation de la rivière, l'eau devient très abondante et il y a stagnation de l'eau dans cet endroit. Et étant donné que le sol n'est pas bien aéré et que le sol est compacté, vous allez comprendre que les racines du palmier à huile ne parviennent pas à avoir de l'air dans le sol. C'est que le palmier devient mort suite au manque de l'air dans le sol. Donc vous voyez que c'est un problème très sérieux. Selon le directeur général de l'OHP, des techniciens de cet office dépêchés sur terrain ont déclaré urgent le curage de cette rivière pour la ramener dans son lit initial avec des moyens financiers qui nécessiteraient la mobilisation de tous les intervenants dans ce secteur. Entre-temps, Augustin Kabaragasa trouve que l'administration, les protecteurs de l'environnement, ceux qui œuvrent dans le secteur du palmier et les agriculteurs devraient tout faire pour protéger les rives et le bassin versant de la Dama et les autres rivières traversant les palmeraies de Limbo. Jean-Pierre Misago de Pirumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Missago. On revient ici à Bujumbura pour vous dire que le pont se trouvant sur la rivière Mouha au niveau de la route Bujumbura-Lumonge est menacé d'écroulement sur tous ses côtés. Certaines personnes exerçant leurs activités dans cet endroit disent que ce sont les pluies diluviennes qui le détruisent petit à petit. Et elles affirment que même le bar appelé Cité d'Art qui se trouve dans ses environs pourrait subir le même sort si rien n'est fait. Elles demandent donc aux autorités de réhabiliter ce pont dans les meilleurs délais. C'est un reportage de Ce pont se trouvant sur la rivière Mouha, au niveau de la route Bujumbura-Lumonge, est menacé d'écroulement sur tous ses côtés. Dans sa partie gauche, en allant vers Kanyosha, il y a une salle de réception appelée Magnificat. Dans cet endroit, les gabions qui soutenaient ce pont sont déjà tombés dans cette rivière. De l'autre côté de la dite rivière, dans la même direction, 5 mètres d'une parcelle se sont déjà écroulés. Une personne rencontrée sur place dit que la situation s'aggrave du jour au jour. Et dans sa partie droite de ce pont, se trouve un bar nommé Cité d'Art, devant lequel il y a des arbres qui sont tombés dans la rivière Moua suite au glissement de terre de cette localité. Même la partie proche de cette route où se trouvait la pancarte qui indique la dite route s'est écroulée. Actuellement, à ce niveau, il y a des signaux routiers qui indiquent qu'il faut faire attention à cet endroit. Certaines personnes exerçant leur métier dans ce cabaret disent que la cause de cet écroulement de ce pont sont les inondations provenant des fortes pluies. Juvenal Sita, propriétaire de son cabaret, ajoute que la cause de cette menace d'écroulement de son pont, c'est que les barrages de rétention des eaux pluvieuses qui existaient dans cette rivière ne sont plus là. Ces personnes indiquent que si son pont n'est pas réhabilité à temps, la circulation pourrait être quasi impossible à son niveau et comme conséquence, il y aurait diminution des clients dans son cabaret. À part la diminution des clients dans son cabaret, Juvenal Barancita, propriétaire de son cabaret, affirme qu'il pourrait subir le même sort comme l'écroulement de ses infrastructures. Ces personnes demandent aux autorités habilitées de réhabiliter son pont dans les meilleurs délais. Vestine Boutoui. On parle santé maintenant. Des moyens de prévention existent bel et bien pour contrer la transmission du VIH-Sida au sein d'un couple à statut sérologique différent. Ceux qui se sont confiés à la radio Isanganiro le confirment, de même que les professionnels de la santé. Toutefois, expliquent ces derniers, si les couples sérodiscordants ne respectent pas les conseils du médecin, ils risquent de se contaminer d'une certaine manière. Et on fait le point avec Francine Niokugai. Maze kuma fakazi ndashaka kundi mugabo muganga aradupima avuga ati je nasanze wowe ukwaye ati mugabo. Ils ont été veuves de leur premier mari qui sont morts du sida. Ils ont par la suite voulu se remarier mais ont d'abord songé au test de dépistage pour être sûrs de leur état de santé et surtout de celui de leurs futurs époux. J'étais veuve mais je me suis remariée. Nous sommes allés ensemble subir le dépistage. Le résultat était négatif pour mon mari, mais positif pour moi. Il y a 12 ans que nous sommes ensemble. Je ne l'ai pas encore contaminé. Nous faisons beaucoup de fois recours à l'usage du préservatif. Je n'ai pas voulu dire la vérité. J'avais peur. J'ai subi par la suite le dépistage. Le résultat était pour moi positif, négatif pour mon mari. Le médecin a demandé à mon mari quel est votre sentiment. Il a répondu qu'il ne peut pas m'abandonner. Le médecin lui a prescrit de revenir quelques fois pour le dépistage pour vérifier si le virus ne se serait encore caché. La vie en couple sérodiscordant est une réalité. La prévention de la transmission facilite grandement la vie des conjoints, nous a déclaré un médecin contacté. La femme peut être infectée par le VIH-Sida alors que son mari n'est pas infecté et vice-versa. La première chose à faire, la personne qui n'est pas infectée, on doit lui donner les conseils pour se protéger et la personne infectée, on débute le traitement pour diminuer la charge virale dans son sang pour diminuer le taux de transmission du VIH-Sida à son partenaire. S'il ne respecte pas les mesures de prévention du VIH, il peut contracter le VIH. Donc, ils doivent suivre les conseils. S'il a été exposé, fait le dépistage. Nous n'avons pas pu parler avec les partenaires de ces femmes, mais nous avons recueilli l'avis d'un jeune homme qui se prépare à se marier concernant l'attitude à prendre si une fois le test de dépistage de sa future épouse s'avère positive. Pour lui, l'important est de se dire la vérité. Certains peuvent décider de se séparer parce que la fille est séropositive. Pour moi, si tel est le cas, je ne vais pas la laisser directement, mais plutôt je resterai à son côté pour la consoler via les gestes que nous posions pour montrer qu'être séropositive n'est pas la fin du monde. Je ne pourrais pas dire que je ne peux pas l'épouser. Tout dépendra de la période et des résultats de dépistage. Il est recommandé aux couples sérodiscordants de se confier le plus souvent à leur médecin traitant pour une prévention qui répond le mieux à leurs besoins. Merci Francine Ndiokugayo pour ce reportage. Et dans le reportage du jour avec Elie Nibel Nibigira, il nous parlera de la précaution que prennent certaines travailleuses de sexe de la ville de Rumonge qui ont désormais pris la précaution d'avoir toujours sur elles des préservatifs. Mais avant cela, l'actualité sous-régionale. La République démocratique du Congo s'apprête à vivre ce jeudi sa première transmission de pouvoir pacifique avec l'investiture de Félix Tshisekedi qui succède à Joseph Kabila. Sur les 17 chefs d'État invités, presque tous sont des Africains. et les cérémonies devraient commencer tout à l'heure. Et la Zambie n'a par exemple pas été invitée, explique une source du protocole d'État. Le communiqué du président Edgar Lungu demandant un recomptage des voix de la présidentielle n'a visiblement pas été apprécié. Autre absence notable, l'Ouganda et surtout le Rwanda, dont le président Paul Kagame a initié l'appel de l'Union africaine, qui évoquait des doutes sérieux sur les résultats de l'élection. Autre voisin, le Congo-Brazzaville, fait savoir qu'il devrait être représenté par son ministre des Affaires étrangères. Les États-Unis et les pays de l'Union européenne devraient quant à eux être représentés par leurs ambassadeurs en RDC. Et hors du continent africain, c'est une journée historique. Hier mercredi, c'était une journée historique au Venezuela, où des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue à l'appel du président du Parlement, Juan Guaido, pour manifester contre le régime de Nicolas Maduro. Juan Guaido s'est autoproclamé président par intérim et a aussitôt été reconnu par une partie importante des voisins latino-américains et par les États-Unis. Un coup de tonnerre qui annonce de nouvelles secousses dans la crise politique vénézuélienne. Les regards se portent désormais sur l'armée qui apparaît comme un potentiel arbitre. Le pays a donc deux présidents qui ne se reconnaissent pas. Le Venezuela s'engage donc sur une voie qui suscite autant d'espoir que d'inquiétude. L'espoir d'abord pour l'opposition de voir partir Nicolas Maduro et l'inquiétude que ce départ passe par des affrontements violents avec les forces de l'ordre lors des manifestations qui s'annoncent. Espoir en face pour les chavistes d'arriver à s'en sortir grâce au soutien apparemment indéfectible de l'armée, avec l'inquiétude aussi que celle-ci ne finisse par lâcher le président Maduro. À la source, reportage. Je vous l'avais dit, certaines travailleuses de sexe de la ville de Rumonge ont pris la décision de se déplacer avec des préservatifs sur elles. Ces dernières expliquent que cette décision vise la protection contre les maladies sexuellement transmissibles car leurs partenaires sexuels leur disent qu'ils n'ont pas de préservatifs sur eux. Le responsable de l'association AGS qui prend en charge ces professionnels de sexe affirme que cette décision a permis de réduire de nouvelles infections au VIH-SIDA et les grossesses non désirées. Eli Nibel Nibigila. Elles affirment que ces préservatifs restent dans leur poche ou sac à main. Une de ces femmes travailleuses de sexe dit que c'est une décision prise pour se protéger contre le VIH-SIDA. Pour se protéger, on utilise le préservatif. Parfois, notre partenaire sexuel souhaite qu'on l'utilise. Mais pour nous, qui ne sommes pas séropositives, on l'utilise. C'est toujours notre préoccupation partout où nous sommes, car nous nous sommes conscientes de la protection. Le préservatif protège non seulement le VIH-SIDA, mais aussi d'autres maladies sexuellement transmissibles. Une autre femme qui exerce ce travail de sexe précise que l'idée de se déplacer avec le condom émane des associations qui les sensibilisaient à se protéger contre le VIH-SIDA et les grossesses non désirées. Mais parfois, ces préservatifs se raréfient, regrette-t-elle. Cette décision de se déplacer avec les préservatifs provient principalement des associations qui nous ont sensibilisés sur l'importance de se protéger contre le VIH-SIDA et d'autres maladies, mais aussi des grossesses non désirées. Et bons élèves que nous sommes, nous avons choisi de marcher avec pour l'utiliser. C'est facile à en avoir, mais souvent, les stocks sont vides. Une ancienne travailleuse de sexe, mais qui a aujourd'hui renoncé et intégré l'association AGS qui suit ces femmes, affirme que celles qui exercent ce travail de sexe à Rumonge ont échangé sur les difficultés rencontrées et découvert que souvent leur partenaire sexuel ne leur facilite pas. La même femme qui a abandonné ce soi-disant métier témoigne que cette pratique a apporté la diminution des effectifs de travailleuses de sexe qui attrapent le VIH-SIDA. Il y a eu avantage parce qu'avant, les travailleuses de sexe étaient gravement victimes de grossesses non désirées et du VIH-SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Jusqu'à ce que, quand la travailleuse de sexe se rend compte de sa situation, étant enceinte, elle préfère l'avortement. Et une fois porteuse du VIH-SIDA, étant travailleuse de sexe, la nouvelle se répand et tu ne reçois plus de clients à cause de ces maladies que tu n'as pas évité. Ces travailleuses de sexe de Rumonge appellent leurs collègues à se protéger pour ne pas ajouter le drame au drame. Depuis Rumonge, Eli Nibel Nibigila pour la radio Isanganiro. Merci Eli Nibel Nibigira. C'est sur ce reportage que nous bouclons ce journal. Désolé de ne pas pouvoir vous présenter la chronique judiciaire. Faute de temps, c'est la radio, chers amis. Mais ce n'est que partie remise. Rendez-vous la semaine prochaine. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Albert Ndouayo. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Passez un très bon après-midi à l'écoute de nos programmes.